laboratoire Eurofin Environex. C'est aussi le digne représentant des microbiologistes au Québec. Absolument, le président de l'Association des microbiologistes du Québec. On est plus de 500 membres. Notre rôle, c'est d'aller chercher, on veut être reconnu par l'Office des professions. On veut vraiment avoir un ordre professionnel. C'est mon rôle présentement de travailler pour que les microbiologistes puissent avoir enfin un ordre professionnel. Un peu comme les médecins, comme les infirmiers infirmières, les chimistes, entre autres, en ont. Il y a 46 ordres professionnels au Québec. Et on essaye de convaincre Mme Lebel, Sonia Lebel, qui est en charge des lois professionnelles, à nous écouter et faire en sorte qu'on puisse avoir un ordre professionnel, parce que les microbiologistes jouent un rôle très important dans la protection du public. Bien, je te confirme que les politiciens nous écoutent. Fait que là, vu que tu as nommé son nom, d'après moi, elle va entendre parler de ce podcast de ce soir. Puis, au plaisir, on s'en jasera dans quelques semaines, si tu le veux bien. Absolument. Puis on va parler de microbiologie, puis peut-être d'autres choses. Il y a plein d'idées qui me viennent en tête. Absolument. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes. On se reparle demain, les amis. Merci. Bye-bye. Marceau, le soir. Le soir. Les Grands Feux Loto-Québec, c'est du 31 juillet au 23 août à la Place des Canotiers et au Quai Paquette avec 8 fabuleuses thématiques. Le 21 août, joins-toi à nous pour la soirée de la Saint-Patrick présentée par Boulevard. Il y aura un défilé de la danse irlandaise, une dizaine d'artistes et des bandes. Reste à l'écoute cette semaine pour gagner 4 billets afin d'être assis confortablement dans la zone réservée. Boulevard et les Grands Feux Loto-Québec, fiers de te faire vivre l'été en grand. Antirouille Métropolitain vous offre présentement un traitement antirouille complet à 20$ de rabais. Hâtez-vous, cette offre se termine bientôt. Antirouille Métropolitain. Grouille avant que ça rouille. Trois provinces traversées et cochées sur la liste d'endroits à visiter. Six voyages en camping à se réveiller au chant des oiseaux. Une escapade au spa pour déconnecter. Enfin, presque. Mesurez la portée de votre Prius hybride branchable en nombre de souvenirs. Pas seulement de kilomètres. C'est leur Toyota. Pour un temps limité, vous pourriez obtenir jusqu'à 4 000 $ en rabais gouvernementaux et incitatifs clients Toyota. Visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions. Du 21 au 24 août, venez célébrer le terroir québécois aux Fêtes gourmandes de Neuville. Découvrez plus de 60 exposants passionnés, le légendaire maïs sucré de Neuville, des dégustations, des ateliers gourmands, des démonstrations barbecue, sans oublier le combat des chefs. Programmation musicale avec le LBA Band, Phil Lauzon et le fameux Dual Piano de la broche à foin. Une 13e édition savoureuse avec Alison Van Rassel comme porte-parole. Info et billets au fgdn.ca. La guerre, chemin faisant sur la grande allée, un cavalier à vélocipède sans protection du chef filait à bride abattue. Au même moment, une fillotte fonça en trottinette alors qu'elle parlementait avec une personne invisible dans sa main. Je me disions, si ces deux énergumènes venaient à croiser un char de fer, il faudra faire des prières. Avec toutes ces nouvelles montures, partout le fief bataille, il faut surveiller son arrière-train. Un message de l'intendance, de la Ville de Québec, qui vous rappelle qu'être colon sur la route, c'est dépassé. Imagine, un verre à la main, les pieds dans l'eau, de la musique dans tes oreilles. À Québec et à Lévis, grâce à la cour arrière. Retrouve ton concept estival préféré au Parc du Rigolet à Lévis et nouvellement au Grand Marché de Québec. Avec tous ses classiques, bassins rafraîchissants, musique live, cocktails et bières de micro, des soirées d'humour, des soirées country et plus encore. La cour arrière de Québec et de Lévis, tes incontournables de l'été, ouvert tous les jours. Vous en avez jamais assez de vos animateurs préférés. Réécoutez les meilleurs segments des shows sur le blvd.fm et sur l'application. À l'affiche chez vos concessionnaires Nissan, la liquidation totale. Tout l'arsenal est déployé pour vous offrir les meilleures offres de l'année. Mettant en vedette le héros du moment. Le nouveau Nissan Kicks 2025 à traction intégrale livrable. VUS ou compact le plus vendu chez Nissan et recommandé par l'équipe RPM. Profitez d'un financement à 0% jusqu'à 24 mois et obtenez en plus un boni liquidation de 500$. Passez voir le Kicks dès maintenant. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez Nissan. En changeant pour Desjardins Assurance, vous pourriez économiser jusqu'à 550$ en combinant vos assurances auto et habitation. Intéressant. Et ils ont de l'expérience, plus de 3 générations. Ça change quoi? Ben, imaginez si vous jouiez au golf tous les jours depuis 3 générations. T'as fait 7 trous d'un coup aujourd'hui, Hélène? Je sais. J'étais pas en forme. Ah bon, ça va aller mieux demain. Desjardins Assurance, c'est pas d'hier qu'on assure. Ça, ça rassure. Demandez une soumission. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s'appliquer. Du 21 au 24 août, c'est le Festival du bûcheux de Saint-Pamphile. Voyez plus d'une vingtaine de compétitions forestières sur le site Les Transports Régis et amusez les enfants au village de Pistoc pour Mutuelle Assurance. Festoyez sous le chapiteau des pionniers Boulevard 102.1 avec Salvador, Les Trois Accords, The Wild Palominos, Doctor's Office et des hommages à Green Day et Abba. Et sous le chapiteau Adrenaline Sport avec Marthe Laverdière, DJ David Nuke et de la Danse Country. Au 43e, viens voir de quel bois on chauffe. Programmation au festivaldubucheux.ca. C'est le moment de foncer chez Laval Volkswagen pour vous procurer un ID4 2024. Écoutez bien ça. On vous offre jusqu'à 17 500 $ de rabais, les taxes incluses, 5 ans d'entretien gratuit sur les éditions Pro et du financement très avantageux à 0 % pendant 72 mois. C'est du jamais vu. Ces offres sont valides jusqu'au 2 septembre ou jusqu'à l'écoulement de nos stocks. Ne manquez pas votre chance et venez nous rencontrer. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968. Sur la terrasse, les fesses dans la piscine, sur le bord du barbecue, à la pratique de soccer du plus jeune ou en camping. Où que ce soit, cet été, c'est à Boulevard que ça se passe. Parce que vous prenez des vacances, nous pas. Jouez prudemment. Boulevard 102.1. C'est l'heure. L'heure que vos haut-parleurs redoutent. Voici Max Larouche, le volume au max. Excellent mercredi soir à Québec, toujours dans la chaleur, mais mettons que la météo est un petit peu moins belle. Le gros soleil qu'on a eu dans les derniers jours a laissé place aujourd'hui à un temps légèrement plus maussade, mettons. Fait qu'on va se gâter dans la prochaine heure avec la meilleure musique en ville. Question d'oublier qu'il fait pas super beau. Et entre autres, pour vous, bon, j'aurai du Green Day, The Hatters, les Red Hot Chili Peppers, du Three Days Grace, du Nickelback également. Mais pour partir le show, ils sont arrivés avec un nouvel album vendredi. Les Black Keys, No Rain, No Flowers. On vous joue certaines nouveautés de cet album-là qui compte 11 chansons. Et parmi les nouveautés en question qu'on vous joue à Boulevard, les Black Keys avec The Night Before. Le vieux de Black Keys. Le nouveau de Black Keys. La station qui t'espine les bandes que t'écoutais dans le temps et que t'écoutes encore aujourd'hui. Fall out of bed, splash my face, try to keep my mind in the right place. I've been high, baby I've been low. I'm seeing stars everywhere I go, everywhere I go. We'll de la musique qui s'écoute le volume au max à Boulevard 102.1. Boulevard 102.1 n'est pas responsable des haut-parleurs endommagés. La saison des festivals ne tire pas encore à sa fin. T'sais, en fin de semaine, il y a le festival Lasso du côté de Montréal pour les amateurs de country. Pour ces mêmes amateurs, il y a aussi le festival country Lobinière. Ça, c'est dans une semaine et des poussières. Après ça, ben mettons qu'on s'en va vers la mi-septembre. Ben il y a En vol les macadam que vous aimez beaucoup. Mais belle annonce aujourd'hui du côté du festival Phono, Grandson. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que le gars rock en Simonac, c'est un de mes artistes préférés des derniers mois. Je l'ai vu en show du côté du FEC de mémoire il y a quoi, 2 ans peut-être? Je l'ai revu aussi du côté du All Your Friends Festival l'été passé en Ontario. J'ai acheté un billet pour aller le voir, je pense c'était au mois de décembre à Montréal. J'étais bien content aujourd'hui de voir qu'il allait être présent du côté du festival Phono ici à Québec en septembre. Collective Soul s'amène Nickelback Live Holy, tout de suite Pearl Jam avec Better Man à Boulevard 102.1. Waiting, watching the clock, it's 4 o'clock, it's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him. Can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man.

Volumont Max à Boulevard 102.1. C'est une émission qui s'écoute le volume au max. Pas de questions? Parfait. Voici Max Larouche. Je vous parlais d'une belle annonce du côté du festival Phono Grandson qui va s'amener du côté de Québec au mois de septembre. En octobre, autre show ben le fun dans le rock, D'Alaris et MXPX qui vont s'amener le 24 octobre, octobre plus précisément, du côté du Capitole. Il y a des bonnes chances qu'on s'y croise pour entendre notamment D'Alaris avec The Boys of Summer. J'ai ça pour vous dans les prochaines. J'ai aussi Weezer, Cake, les Red Hot Chili Peppers et un band qu'on aime beaucoup qui va sortir son prochain album dans quoi? Une dizaine de jours? 9 jours. 3 Days Grace, Just Like You. Ça s'en vient. Boulevard 102.1. Le temps de faire ta mise à jour de Windows. Et on revient. Boulevard 102.1. Que tu prennes tes vacances ici ou ailleurs. Peu importe quand tu pars et où tu vas, traîne Boulevard 102.1 dans tes valises. L'application Boulevard 102.1. Du 21 au 24 août, c'est le temps de venir goûter l'été aux fêtes gourmandes de Neuville. Les meilleurs ingrédients sont réunis avec plus de 60 exposants et producteurs d'ici. Combat des chefs, maïs sucré, cuisine de rue et spectacle en soirée. Un festin de saveurs, de découvertes et de bons moments. Cette semaine, écoute Boulevard pour gagner ta paire de billets journaliers. Une fête pour les gourmands et les curieux t'attend pour rencontrer les artisans derrière nos produits d'exception. Billets en vente au fgdn.ca en partenariat avec Boulevard 102.1. Il fait tellement chaud que t'as décidé d'amener les enfants à piscine municipale. Ouf, ça va te prendre une bonne bière de Chaloux en revenant. Plus de 1000 sortes en inventaire. Chaloux, Beauport et Saint-Émile. 7 allers-retours à la piscine pour profiter de l'été. 12 week-ends à faire la tournée des meilleurs restos. 40 destinations encore plus belles en vrai qu'en photo. Wow! Mesurez la fiabilité de votre BZ4X en nombre de souvenirs, pas seulement de kilomètres. C'est l'heure Toyota. Pour un temps limité, vous pourriez obtenir jusqu'à 11 000 $ en rabais gouvernementaux et en incitatif client Toyota. Visitez htmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions. Vos jambes vous font souffrir? Vous avez des varices aux jambes? Profitez des vacances d'été pour bénéficier de l'expertise des médecins de la Clinique de phlébologie de Québec. Venez nous rencontrer. Nos services sont offerts pendant toute la saison estivale. Pour des jambes en santé, visitez veines.ca. Cet été, prolongez le plaisir au Spa Infinima. À l'achat d'un massage de 60 minutes, recevez 30 minutes gratuites. Du lundi au jeudi, entre 9h et 16h. Spa Infinima. Trouver sa vraie nature. Du 21 au 24 août, c'est le Festival du bûcheux de Saint-Pamphile. Voyez plus d'une vingtaine de compétitions forestières sur le site Les Transports Régis et amusez les enfants au village de Pistoc pour Mutuelle Assurance. Festoyez sous le chapiteau des pionniers Boulevard 102.1 avec Salvador, Les Trois Accords, The Wild Palominos, Doctor's Office et des hommages à Green Day et ABBA. Et sous le chapiteau Adrenaline Sport avec Marthe Laverdière, DJ David Nuke et de la danse country. Au 43e, viens voir de quel bois on chauffe. Programmation festivaldubucheux.ca. Le 14 août, régalez-vous pour une bonne cause. C'est la promo Une poutine, un don chez Fromagerie Victoria. Pour chaque poutine vendue, 2 $ sont remis à la Maison des soins palliatifs du littoral. Le 14 août, c'est un rendez-vous dans vos Fromageries Victoria de Lévis, Saint-Nicolas et Laurier Station. Besoin de nouvelles lunettes? Bonne nouvelle! L'offre deuxième paire en cadeau est prolongée chez Gréchy Scaff. À l'achat d'une paire complète avec verre et monture, même de grandes marques, obtenez une deuxième paire en cadeau. Jusqu'au 7 septembre, Chantal Gravel, opticienne. Détails, rendez-vous sur greche-scaff.com. C'est le moment de foncer chez Laval Volkswagen pour vous procurer un ID4 2024. Écoutez bien ça. On vous offre jusqu'à 17 500 $ de rabais, les taxes incluses, 5 ans d'entretien gratuit sur les éditions Pro et du financement très avantageux à 0 % pendant 72 mois. C'est du jamais vu. Ces offres sont valides jusqu'au 2 septembre ou jusqu'à l'écoulement de nos stocks. Ne manquez pas votre chance et venez nous rencontrer. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968. Chez Vélo de la Côte, on liquide tous les vêtements à 70 % de rabais. Et si vous avez besoin de souliers, ils sont présentement à 40 %. On a aussi quelques vélos démo en grosse promotion. Vélo de la Côte, le bike shop le plus convivial de la région. Ouais, ben Max, je regarde ça, là, puis l'été, c'est pas mal à sa fin, là. Ouais, t'as raison, le party va être fini pour Gravel. Terminé les vacances, mon Denis. J'espère qu'à ton retour, tu seras pas trop rouillé. Pour profiter de vos vacances d'été sans rouiller, prenez rendez-vous chez Anti-Rouille Métropolitain. Cette semaine, si vous êtes chanceux et à l'écoute de Boulevard, vous pourriez gagner un traitement d'antirouille complet pour votre voiture. Antirouille Métropolitain, un investissement intelligent et payant. Ça n'a aucun sens ce qui se passe chez Hydro. En privatisant, en sabotant la sécurité et en méprisant l'expertise, on recule plus qu'on avance. Depuis 18 mois, nous, le personnel de métier et technologues, sommes sans convention collective. Chaque jour, on vous livre de l'électricité. Mais la direction est déconnectée et refuse de nous entendre. Faut que ça se règle avant que ça surchauffe et qu'on doive tirer la plug. On doit faire partie de la solution. Visitez haute-tension.ca. Un message du SCFP. Lévis, le plus grand chantier naval du Canada, recrute activement pour plus de 1000 postes. Peintre, assembleur mécanique, électricien, contremaître et bien plus. Avec un carnet de commandes rempli jusqu'en 2040 et des conditions de travail solides, ose le grandiose pour ta carrière. Postule à lévisrecrute.ca. Ici PA Méthode pour Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan. Êtes-vous du genre que ça vous prend vraiment une bonne occasion pour changer d'auto? Écoutez bien l'annonce, ça se pourrait que ça fasse bonne journée. Et comment? C'est le retour du 0% ce mois-ci chez Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan. Le Rogue, classé numéro 1 des VUS compacts par Motor Trend pour une troisième année de suite, est offert en financement sur 48 mois à 0%. Oui, 0%. On vous attend chez Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan. Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi. C'est simple. Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio. Just a monument, the sexy art of condiments. And now I know you buy your scent. Let it be, we both get bent. Need a minute to prepare. Sunnyside was always a shell. We've only just begun. Funky monks around. With the tip of my tongue. And when you walk away, I know what your kiss would say. I'm gonna get you with the tip of my tongue. Reluctantly crouched at the starting line, engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up, churning and burning, they yearn for the cup. They deftly maneuver and muscle for rank, fuel burning fast on an empty tank. Reckless and wild, they pour through the turns. Their prowess is potent and secretly stern. As they speed through the finish, the flags go down. The fans get up and they get out of town. The arena is empty, except for one man still driving and striving as fast as he can. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup. But he's driving and striving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still burns. He's going the distance. He's going for speed. She's all alone. All alone in a time of need. Because he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse. He's going the distance. Yeah! No flashbulbs, no wine. He's haunted by something he cannot define. Bowel-shaking earthquakes of doubt and remorse assail him, impale him with monster truck force. In his mind, he's still thriving, still making the grade. She's hoping in time that her memories will fade. Cause he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago, somebody left with the cup. But he's striving and driving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still burns. Cause he's going the distance. He's going for speed. She's all alone. All alone in a time of need. Because he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse. He's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and riding on his horse. and a little bit of love goes a pretty long way. Take a look at where you started from. A pretty long way. We'll be right back. Le mot Max, c'est pas pour les farouches. Notez que la musique présentée dans cette émission est pas mal meilleure que nos jeux de mots et nos rimes. Boulevard 102.1. C'est déjà pas mal l'heure de se dire un gros tchao-bye. Merci beaucoup d'avoir été là dans le volume au max. On va se retrouver demain matin à 6h pour Boulevard Against le matin avec moi-même Max Larouche, mais aussi Jacinthe Varel et Mathias Turcotte. Puis après ça, ben, tout au long de la journée, c'est la programmation de la semaine avec Pascal CV qui est là, leur CV. Il y a Marceau le midi, Gravel dans le retour, Marceau le soir, puis après ça, la roue tourne, puis on revient au volume au max. Salut, je vous laisse avec Green Day, One Eyed Bastard. An offer that you cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, I hear the please get louder. You son of a bitch, you're gonna beg and cower. That you cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, I hear the blues get louder. You son of a bitch, you're gonna burn. Boulevard. 102.1.